Bonjour à vous, fidèles auditeurs, et bienvenue au Petit Novo. Vous écoutez ActuVu, le podcast hebdomadaire qui vous résume l'actualité. Que vous soyez préparant au concours de journalisme ou simplement curieux, nous sommes là pour vous résumer ce qu'il s'est passé dans le monde cette semaine. C'est Louise qui vous parle, et avec les copains, on vous a préparé un 21e épisode plein de bonnes choses. D'ailleurs, Majid, par quoi commence-t-on ? Pour ma chronique internationale, je vais parler de l'homophobie au Ghana. De retour dans l'Hexagone, Capucine, toi tu reviendras sur un homme politique qu'on connaît tous. Oui, Nicolas Sarkozy. Il me semble que toi, Simon, tu as décortiqué un sujet plutôt sexy en économie. Effectivement, on va parler de la nouvelle recette concoctée par le gouvernement pour essayer de relancer les entreprises en difficulté, les prêts participatifs. Et cette semaine, Juliette, ta chronique sera consacrée à la culture. On parlera du plan destiné à soutenir les artistes-auteurs. Le clap de fin t'est réservé, Clément. Quel est l'homme qui hantera tes recommandations ? Il est mort il y a 200 ans, c'est Napoléon. Il me tarde déjà, mais chaque chose en son temps, place à la chronique affluotée présentée par Marion. On commence avec la personnalité de la semaine, Clara Zetkin. C'est cette journaliste allemande qui est à l'origine de la Journée internationale des femmes. Elle propose l'idée pour la première fois en 1910 lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes. Objectif, servir la lutte pour le droit de vote des femmes. Sa proposition est adoptée et c'est le 19 mars 1911 que la journée est célébrée pour la première fois. La Journée internationale des femmes est désormais le 8 mars, vous le savez, et cette année, vous ne l'avez sûrement pas manqué, un clitoris gonflable géant a été érigé place du Trocadéro. À l'origine de cet happening, le média digital Simone Media et le collectif Gang du Clito, le but, alerter sur les inégalités dont sont victimes les femmes en matière de médecine sexuelle. 1,3 milliard d'euros, c'est le montant des bénéfices enregistrés en 2020 par Lego. Le fabricant danois a vu ses ventes grimper l'année dernière, plus 19% de bénéfices nets par rapport à 2019, un record historique. Son chiffre d'affaires lui a bondi de 13% et dépasse les 43 milliards de couronnes danoises, soit près de 6 milliards d'euros. Lou Hotens est décédé. L'ingénieur néerlandais était l'inventeur de la cassette à bande magnétique. Il avait lancé l'idée en tant que directeur de Philips Audio en 1963. 100 milliards de cassettes ont été vendues dans le monde depuis leur invention. Autre mauvaise nouvelle, Vanik Berberian est décédé. Le président de l'association des maires ruraux avait 65 ans. C'est lui qui avait invité les maires à ouvrir des cahiers de doléances pour les concitoyens pendant la crise des Gilets jaunes. Il était maire de Gargilès-Dampierre, un petit village de l'Indre dans le centre Val-de-Loire. Et pour finir sur une note plus positive, l'artiste français Seip a réalisé la 10e étape de son projet Beyond Walls. Le but, peindre des mains entrelacées dans les lieux publics partout dans le monde. Seip est spécialiste de la peinture éphémère. C'est au Bénin qu'il a dessiné le nouvel élément de la plus grande chaîne humaine du monde. Keep America great! How dare you! Can't be do what we want to do. How dare! L'organisation LGBT Rights fait face à de vives contestations au Ghana. La communauté homosexuelle est même attaquée. Une vague d'homophobie inédite dans le pays, Majid. Tout s'annonçait pourtant bien le 31 janvier pour l'organisation. Leur premier centre venait d'ouvrir à Accra. Le but, proposer un espace sûr pour les personnes LGBT. Une avancée dans le pays ouest-africain où l'homosexualité est encore pénalisée. La joie fut malheureusement de courte durée. Le 24 février, l'association a dû mettre la clé sous la porte. Plus encore, la communauté LGBT est la cible d'attaques médiatiques. L'avocat Moses Foa Amoaning a déclenché l'incendie. Porte-parole d'un puissant lobby conservateur, il a appelé à fermer ce bureau et à arrêter les personnes impliquées. Il s'est exprimé au micro du média ghanéen Joy News. Les pro-LGBT disent souvent qu'il s'agit de droits humains fondamentaux. C'est faux. La Constitution est très claire sur les libertés et droits fondamentaux. Elle parle de discrimination de race, de sexe et de religion. Ce n'est pas dans notre loi et c'est surtout contre notre culture. Et ces déclarations sont soutenues par l'opinion publique. D'après l'enquête de l'Africa Center for International Law and Accountability, 75% de la population approuve les déclarations homophobes des représentants de l'État. Plus encore, 87% des Ghanéens sont contre le fait d'autoriser des personnes LGBT à tenir des réunions publiques. Pourtant, Abdul Wadoud Mohamed, porte-parole de LGBT Rights Ghana, ne perd pas espoir. Il a déclaré, je cite, « Cela fait près d'un mois que tout le pays parle de la communauté LGBT. Pour moi, c'est une victoire. Nous sommes certains que notre heure viendra. » La communauté LGBT ghanéenne est soutenue par la diaspora. 67 personnalités du monde de la culture leur ont affirmé leur soutien. Elles sont souvent membres de la diaspora. Parmi elles, Idris Elba, Naomi Campbell ou encore le créateur de mode Virgil Abloh. Ils ont signé une lettre exprimant leurs profondes préoccupations. Ils demandent au président Nana Akufo-Addo d'engager un dialogue constructif avec la communauté. Le président a longtemps évité la question. Il a finalement déclaré que le mariage entre personnes du même sexe ne serait jamais légalisé durant son mandat. Des millions de personnes dans le monde risquent la famine, alerte l'ONU. La sonnette d'alarme est tirée par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, lors du Conseil de sécurité jeudi. Il a précisé que dans une trentaine de pays, plus de 30 millions de personnes sont proches d'être déclarées en situation de famine. Le chef de l'ONU a donc appelé à une mobilisation urgente. Le but est de fournir 5,5 milliards de dollars de ressources. La pandémie a empêché 12 millions de femmes dans le monde d'accéder à des moyens contraceptifs. Toujours selon l'ONU, la crise sanitaire a empêché d'accéder à des services du planning familial. Selon un rapport, elles ont dû réorienter leurs ressources financières en ces temps de crise sanitaire. Ces 12 millions de femmes vivent dans 115 pays à faibles et moyens revenus. Résultat, 1,4 million de grossesses étaient non désirées en 2020. Un sujet sensible dans un pays très conservateur et religieux, 94% de la population est croyante. La République, c'est moi ! Quelle indignité, nous sommes sur le service public. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet ! Capucine, tu nous parles des affaires judiciaires de Sarkozy. Oui, début mars, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence, même s'il a affirmé sur le plateau du JT de TF1 du 3 mars qu'il est innocent. Je n'ai jamais trahi la confiance des Français. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce que jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde. Comme c'est un ancien président de la République, cette décision judiciaire est historique. Pourtant, ce n'est pas le premier ex-président à être condamné. Et oui, Jacques Chirac avait été condamné en 2011 à 2 ans de prison avec sursis pour l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Pourquoi Sarkozy a-t-il été condamné ? Il a été jugé coupable dans l'affaire des écoutes. Alors pas de panique, je vous explique. Question lexique d'abord. L'affaire des écoutes, l'affaire Sarkozy-Azibert et l'affaire Paul Bismuth, en fait, ce sont 3 noms qui désignent la même affaire. En 2013, Nicolas Sarkozy demande à Gilbert Azibert, un magistrat de la Cour de cassation, de lui fournir des informations confidentielles et de peser dans la procédure judiciaire de l'affaire Bettencourt. Contre cette aide, pas très légale, Sarkozy propose d'aider Azibert à obtenir un poste à Monaco. Il n'était donc pas tout seul sur le banc des accusés lors du procès. Gilbert Azibert, le magistrat, et Thierry Herzog, l'avocat de Sarkozy, ont été jugés coupables et ont écopé eux aussi de 3 ans de prison, dont un ferme. Mais pourquoi ça s'appelle l'affaire des écoutes ou l'affaire Paul Bismuth ? C'est dans le cadre de l'enquête des financements libyens qu'en avril 2013, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X. Dans le cadre de l'enquête, le parquet place le téléphone de Sarkozy sur écoute. En mars 2014, Nicolas Sarkozy dépose un recours dans le cadre de 2 autres enquêtes dans lesquelles il est impliqué, l'affaire Bettencourt et l'affaire Tapie, car il ne souhaite pas fournir ses agendas qui lui sont demandés pour l'enquête. Quel est le lien avec l'affaire des écoutes, me direz-vous ? Eh bien, normalement, il n'était pas censé savoir que la justice cherchait ses agendas. S'il l'a su, c'est qu'il a été prévenu. Et en écoutant les conversations téléphoniques entre Sarko et son avocat, les enquêteurs comprennent que c'est le juge Azibert qui donne des informations à l'ancien chef de l'État. Il semblerait aussi que l'avocat Thierry Herzog ait appris que les téléphones étaient sur écoute. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a pris un second téléphone sous le nom de Paul Bismuth. Ils sont vraiment importants, ces agendas ? Alors encore une fois, accrochez-vous, ces agendas sont utiles dans plusieurs enquêtes. Le juge chargé de l'affaire Bettencourt a transmis en janvier 2013 ses agendas aux magistrats qui enquêtent sur l'affaire Tapie. Or, ceux-ci font apparaître que Nicolas Sarkozy a rencontré à plusieurs reprises les acteurs de l'affaire Tapie. Ces agendas sont donc le principal élément à charge des juges contre l'ancien président dans l'affaire Tapie et ils pourraient aussi être utilisés dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen. La Cour de cassation a jugé en mars 2014 que le recours de Nicolas Sarkozy n'était pas recevable. Les agendas pourront donc être conservés et utilisés par la justice. Et d'ailleurs, il est impliqué dans combien d'affaires, Nicolas Sarkozy ? 12. On récapitule, Sarkozy a donc été condamné dans l'affaire des écoutes, mais il est aussi impliqué dans l'affaire Big Malion. En clair, l'UMP est soupçonné d'avoir monté un système de fausses factures pour que les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2012 restent inférieures au plafond autorisé par la loi, soit 22,5 millions d'euros pour un candidat présent au second tour. Tout dépassement de ce plafond entraîne l'annulation pure et simple du remboursement d'une partie des frais de campagne. Pour cette affaire, Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour financement illégal de sa campagne électorale en 2012. L'ancien président est aussi mis en examen dans l'affaire du financement libyen. Il est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle de 2007 grâce à des fonds venus du régime de l'ancien dictateur Kadhafi. Il est aussi témoin assisté dans l'affaire Karachi, dans laquelle il aurait accordé des commissions faramineuses lors de ventes d'armes au Pakistan et en Arabie Saoudite. Puis il est impliqué dans l'affaire Réseau Garantia, dans l'affaire des billets de 500 euros, dans le Kazakh Gate, dans l'affaire des voyages en jet, dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, dans l'affaire Bettencourt, dans l'affaire des sondages de l'Élysée et enfin sur celle des pénalités des comptes de campagne. Donc il faut beaucoup plus qu'une chronique pour comprendre toutes ces affaires, mais de nombreux reportages, articles et documentaires existent. Je vous invite à lire l'article du Monde qui s'appelle « Le point sur les 12 affaires de Nicolas Sarkozy » et je vous conseille aussi l'épisode d'Affaires sensibles sur l'affaire Big Malion ou encore le complément d'enquête sur cette même affaire. D'ailleurs, c'est dans cet épisode que Guillaume Lambert, le directeur de campagne de Sarko, fait d'importantes révélations, quelque peu embarrassantes pour l'ex-président. Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. Simon, cette semaine, tu vas donc nous expliquer une nouvelle mesure que le gouvernement va mettre en place pour relancer l'économie, les prêts participatifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Alors accrochez-vous parce qu'on va parler de fonds propres, de taux d'intérêt et de maturité de financement. Mais pas de panique, on va simplifier tout ça. Déjà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux prêts participatifs, c'est un peu la continuité des prêts garantis par l'État, sauf qu'ils sont un peu plus risqués et qu'ils vont surtout servir à relancer les investissements plutôt que combler les trous dans la trésorerie. Et en plus de ces prêts, on a les obligations relance qui, là, doivent financer les projets long terme. Mais du coup, Simon, qui pourra en bénéficier ? Eh bien, les petites et moyennes entreprises, qu'on appellera PME et ETI, leur chiffre d'affaires varie entre 2 millions et 1,5 milliard d'euros et ces prêts ne pourront pas dépasser 12,5% du chiffre d'affaires pour les PME et 8,4% pour les ETI. Mais alors, pourquoi prêts participatifs ? Parce que c'est presque tout le système financier français qui va être mobilisé. Déjà, les assureurs, eux, leur rôle, il sera de mettre 20 milliards d'euros sur la table et cet argent, eh bien, il doit être distribué par quelqu'un, et c'est là que les banques et les sociétés de gestion vont avoir leur rôle à jouer. Pour résumer, les banques et les sociétés de gestion prêtent avec l'argent des assurances, mais comment ça fonctionne pour les entreprises ? Déjà, comme je vous l'avais dit, elles auront deux options, ces entreprises, soit un prêt participatif, soit une obligation relance, et de ces prêts, il faudra rembourser le capital, donc l'argent apporté, et les taux d'intérêt. La durée est la même pour ces deux prêts, un prêt de 8 ans, et même règle, pour les taux d'intérêt, ils seront remboursés dès la première année et ils varieront selon la taille de l'entreprise et l'option de prêt choisie. Mais il y a quand même une différence fondamentale, le remboursement du capital apporté. Pour les prêts participatifs, l'entreprise rembourse dès la cinquième année, alors que pour celles qui auront opté pour les obligations relance, le paiement se fera en une seule fois au bout des 8 ans. Simon, tu nous as dit que c'était des prêts plus risqués. Comment on est sûr que tout ça ne va pas s'effondrer ? Eh bien, c'est là que l'État intervient. Les prêts seront garantis à 30%, donc à peu près 6 milliards d'euros. Et surtout, on ne prêtera qu'à 10 000 entreprises environ, contre plus de 650 000 pour les prêts garantis par l'État. La France vise donc clairement les TPE et les ETI à fort potentiel de croissance. Et ces entreprises pourront demander ces prêts d'avril prochain jusqu'à fin 2022. On continue avec la vente de Gosport pour un prix plutôt dérisoire. 1 euro, voilà ce que devra débourser Michel Ohaillon, patron de la holding appelée Financière Immobilière Bordelaise. Après avoir racheté Camailleux en août 2020, ce serait au tour de Gosport de rejoindre la société bordelaise. Cela faisait déjà plusieurs années que le groupe Rally voulait vendre l'enseigne de sport qui n'a que 5% des parts de marché, bien loin derrière les mastodontes Decathlon et Intersport. Et pour finir, un point sur l'égalité salariale femmes-hommes. Et sans grande surprise, on n'y est pas du tout. Un nouvel indicateur instauré en 2018 par le ministère du Travail, l'index de l'égalité professionnelle, doit être calculé par toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Quatre critères sont retenus: l'écart entre les salaires, les différences entre les augmentations individuelles, le nombre de salariés dont la paye a été revalorisée après un congé maternité et la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Une note est ensuite donnée sur 100. Si elle est inférieure à 75, l'entreprise est sanctionnée. Et si 70% d'entre elles ont calculé l'index, seulement 2% des entreprises atteignent le score maximal. La moyenne se situe autour de 85 sur 100, une hausse de seulement 1 point par rapport à l'année dernière. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. C'est aussi la culture qui nous les brise. La chatte, qu'il a, la chatte. C'était attendu depuis plus d'un an, le gouvernement a enfin présenté le plan destiné à soutenir les artistes auteurs, Juliette. Oui, et par artistes auteurs, on entend écrivains, scénaristes, compositeurs, illustrateurs, plasticiens et tant d'autres. Ils sont confrontés depuis de nombreuses années à la paupérisation de leur métier, c'est-à-dire l'appauvrissement. Et les derniers mois n'ont rien arrangé, vous vous en doutez. Et quelles sont les mesures prises ? Alors, les mesures se basent en fait sur un rapport écrit par Bruno Racine. Il s'intitule « L'auteur et l'acte de création ». Il a été écrit en janvier 2020 et avait été plutôt bien accueilli par la profession à l'époque. On écoute Patrick Roth, secrétaire général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, au micro d'Europe 1, le 29 janvier 2020. On partage complètement les constats du rapport Racine. Le premier, c'est la paupérisation, comme vous venez de le rappeler, qui est manifeste et qu'on constate dans toutes les formes de création. Le deuxième, c'est la relation extrêmement difficile au quotidien qu'ont les auteurs dans leur pratique professionnelle et avec leur employeur, entre guillemets, qui est le producteur. Il y a en France une asymétrie complète entre le niveau de protection dont les producteurs bénéficient dans leurs relations avec les chaînes, les radios, et puis la protection quasi inexistante dont bénéficient les auteurs dans leurs relations avec les producteurs. Et le rapport de Bruno Racine préconisait 23 mesures, Roselyne Bachelot n'en a retenu que 15 parmi elles. La poursuite des aides financières mises en place à l'occasion de la crise sanitaire, selon la ministre de la Culture, 213 millions d'euros ont été mobilisés en 2020, rebelote en 2021 donc. Et Roselyne Bachelot s'engage aussi à mettre un terme aux dysfonctionnements liés à la réforme du régime social des artistes-auteurs. En effet, ils avaient été transférés à l'URSSAF après des années de galère dans leur ancien régime, mais apparemment c'est toujours aussi compliqué. Autre mesure importante, l'État s'engage à accompagner les négociations menées entre les auteurs et les producteurs, éditeurs et diffuseurs. L'objectif, rééquilibrer les relations contractuelles. Les créateurs estiment ne pas être assez payés. Pour vous donner un ordre d'idée, les dessinateurs de BD ne touchent que 8% en moyenne du prix de leur album. Ils en réclament 10%. Roselyne Bachelot et Jean Castex n'ont pas annoncé que ça. Non, ils ont aussi annoncé de nouvelles mesures pour soutenir la culture en ces temps de Covid, notamment 20 millions d'euros supplémentaires et l'accès pour les intermittents du spectacle aux congés maladie et maternité. Des mesures insuffisantes selon la CGT qui appelle à continuer et même étendre le mouvement d'occupation des lieux culturels comme les théâtres par exemple. Et côté sport, qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Alors on va commencer par une bonne nouvelle, Perrine Laffont remporte le titre de championne du monde de ski boss, encore une belle consécration pour la jeune pyrénéenne de 22 ans qui était déjà championne olympique, lauréate de la Coupe du Monde et médaillée d'or mondiale en ski parallèle. Beau palmarès, effectivement, et en parlant de Jeux Olympiques, Thomas Bach a été réélu. Oui, il s'agit du président du Comité international olympique. L'Allemand de 67 ans a été reconduit à son poste à la quasi-unanimité à quelques mois des JO de Tokyo. Il préside cette instance depuis 2013. Et Thomas Bach devrait passer la main en 2025, quelques temps après les Jeux Olympiques à Paris. Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais, lui ? C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro ? C'est un incontournable. Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerk ? Mais elle est où, la moulaga ? On fête cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon, et ton petit doigt t'a dit, Clément, que les écoles pourraient peut-être poser quelques questions sur l'empereur. Et oui, Héloïse, exposition, conférence, livre, vous entendrez parler de Napoléon dans les mois qui viennent. Alors, que retenir de l'empereur français ? Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio le 15 août 1769. Son père le destine à une carrière militaire. Il devient officier dans le corps d'artillerie. Il mène ensuite deux campagnes militaires en Italie, puis en Égypte, avant de prendre le pouvoir. De retour en France, il organise un coup d'État le 18 Brumaire 1799. C'est la date du calendrier républicain qui correspond au 9 novembre. Il est nommé premier consul avant de se faire couronner empereur le 2 décembre 1804. Déjà peu apprécié de ses voisins quand elle était une république, l'Empire français va désormais affronter plusieurs coalitions de pays contre lui. Oui, 7 en tout, de 1804 à 1815. Italie, Espagne, Autriche, Prusse, Russie, France, l'empereur et l'armée vont se battre sur tous les front avant que Napoléon ne soit contraint d'abdiquer le 6 avril 1814. Il est exilé sur l'île d'Elbe, située entre la Corse et l'Italie. Mais et la bataille de Waterloo dans tout ça ? J'y viens. Sur son île, Napoléon a bien envie de revenir au pouvoir. Début 1815, il débarque en France et remonte jusqu'à Paris. Il se passe 100 jours avant la défaite de Waterloo le 18 juin en Belgique face à l'armée anglaise et prussienne. Il abdique de nouveau et cette fois-ci est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'Atlantique Sud. Il y meurt le 5 mai 1821. Et 200 ans plus tard, l'héritage de Napoléon est encore bien présent dans nos vies. C'est lui qui a créé la Légion d'honneur, les préfet, le code civil. Alors bien sûr, l'homme n'a pas que des qualités. Beaucoup de pays européens n'ont pas la même fascination que nous après s'être fait envahir par la France. Et puis surtout, Napoléon, en 1802, réintroduit l'esclavage en Guadeloupe qui avait pourtant été aboli par la Révolution en 1794. Napoléon, c'est aussi la culture. Oui, Héloïse, Marengo, Austerlitz, Iéna, Arcole, Rivoli, Borodino, autant de grandes batailles de l'Empire qui ont donné des noms de rues, de ponts et j'en passe. Napoléon, c'est aussi tout un courant artistique. On parle de style empire pour des meubles ou des vêtements. Il y a aussi beaucoup de tableaux. Antoine Jeangros, Jacques-Louis David ou encore François Gérard sont des principaux peintres de l'époque. À connaître également l'Espagnol Francisco Goya, qui peint les célèbres Dos et Tres de Mayo, tableaux qui reviennent sur l'occupation violente de l'Espagne par les Français. Et allez, pour finir, deux expressions qui nous viennent tout droit de l'époque napoléonienne. Un coup de Trafalgar désigne un événement qui a des répercussions souvent négatives. Cela vient de la bataille navale de 1805, perdue par la France contre l'Angleterre. Dire c'est la Bérésina traduit une mauvaise situation. En Russie, l'armée de Napoléon battait alors en retraite et s'était retrouvée bloquée devant la rivière Bérésina. Le temps de la franchir, beaucoup d'hommes étaient morts de froid ou dans des embuscades. D'ailleurs, le terme guérilla vient de l'espagnol petite guerre. C'était une tactique employée par les Espagnols durant l'occupation française. Et 2021 sera une année riche en commémorations. Gardez l'œil donc sur la Commune de Paris, François Mitterrand ou l'abolition de la peine de mort. Et voilà, on a déjà fini notre tour de l'actualité. Je remercie bien évidemment Marion, Majid, Capucine, Simon, Juliette et Clément pour leurs sujets qu'ils ont pris le temps d'examiner à la loupe pour rendre ça intéressant et compréhensible. Merci également à Agathe qui est à la technique cette fois-ci. N'hésitez pas à nous suivre et nous faire part de vos remarques et encouragements sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes partout. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Besos !